Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Prochainement, à l'affiche. Bonjour Arnaud Pirot, nous Bonjour. Allons parler d'un spectacle qui va avoir lieu au cours du mois d'octobre à l'affiche de la nouvelle scène nationale de Sergi Pontoise, Point commun. We can be heroes. Vous nous invitez, effectivement, on a tous, un jour ou l'autre, rêvé de chanter comme les stars, je serais tenté de dire, souvent sous la douche, mais là, c'est pas sous la douche que vous nous invitez à chanter. Non, absolument, c'est un spectacle où justement, ce petit désir ou ce petit fantasme qu'on peut avoir sous notre douche, là, c'était l'idée de le mettre dans l'espace public, de réunir des gens pour le faire, pour faire un truc qu'on fait de manière tout à fait anecdotique et individuelle, ensemble, dans l'espace public, à la vue de chacun, chacune. Ouais. Alors chanter, oui, mais en playback, quelle drôle d'idée pour nous proposer une forme de karaoké géant. Alors, je crois que le playback, dans votre esprit, ce n'est ni une tentative d'imitation, ni un travail de parodie. Oui, c'est ça. Le playback, c'est l'idée qu'on ait envie de chanter qui m'intéresse plus que de chanter vraiment. C'est-à-dire que ce qui fait que les gens ne chantent pas dans l'espace public a priori, c'est parce qu'ils se disent « je ne sais pas chanter ». Évidemment que faire semblant de chanter, il ne s'agit pas de chanter juste, pas du tout. Et puis la notion de karaoké, elle n'existe pas vraiment parce que le karaoké, c'est pas du playback. On chante pour de vrai, voilà. Alors, à défaut de donner de la voix, parce que ça serait effectivement quand même du playback, chacun, chacune sera invité à donner vraiment du souffle parce qu'il faut être dans un exercice d'interprétation cependant. Oui, c'est ça. Comment dire ? En effet, dans cette performance, dans ce spectacle, le corps est très très engagé. Et donc, on travaille sur l'idée quand même qu'à défaut de donner de la voix, comme vous l'avez dit, on donne du souffle, on donne de l'air, on s'engage physiquement dans le chant, dans quelque chose, dans cette envie-là, comme si on chantait pour de vrai. Donc c'est un peu la différence entre juste bouger les lèvres, par exemple, et puis vraiment faire comme si on chantait pour de vrai, quoi. C'est un spectacle qui n'est pas tout à fait un spectacle comme un autre, puisque vous parlez de performance, on peut dire même un projet participatif et collectif, car c'est environ combien de personnes qui vont être invitées à participer très directement à cette création, car c'est un moment de création. Je ne sais pas encore combien on sera exactement, mais à mon avis, entre 50 et 80 personnes. Voilà, on sera quand même un bon petit nombre à faire cet exercice-là. Donc ça nécessite quelques temps de préparation, de workshop, d'ateliers, où on travaille précisément sur l'émancipation individuelle, c'est-à-dire comment est-ce que ce plaisir-là, cette envie-là de chanter et tout, elle peut nous être absolument bénéfique. C'est-à-dire au-delà de réaliser la performance, le spectacle, on fait en sorte que les gens s'amusent beaucoup, prennent beaucoup de plaisir. Et c'est ce plaisir-là, en fait, qui transparaît dans la pièce. Mmh. Et qui fait que, d'autres gens ont envie de le faire. Voilà. On n'est pas dans l'idée de réaliser bien le spectacle. Voilà. Alors, c'est à la fois un exercice personnel, particulier, mais aussi collectif, une action qui fédère. Oui. On a envie justement que ces petits rêves, ces petits fantasmes individuels soient réunis pour se rendre compte qu'en fait ces petits fantasmes individuels sont des fantasmes qu'on a tous et donc peuvent devenir collectifs. Mais pour ça, il faut coordonner ça, agencer ça pour que ce soit possible. Et quand c'est possible, et ben c'est d'autant plus puissant et d'autant plus beau qu'on fait tous un petit truc ensemble, et donc ça devient un grand truc, un grand, une grande chose. Alors, je sais que votre groupe de création, groupe en fonction, travaille particulièrement sur l'idée de communauté et dans le double sens du terme, comme état de ce qui est commun et comme groupe qui constitue la société. C'est une manière aussi, au travers de ce type de performance, de nous rappeler un petit peu que dans la société en général, chaque individu est lié aux autres. Je crois aussi que c'est une tentative de dire, je sais pas, mais en tout cas peut-être de dire que malgré le fait qu'on soit tous différents, on a plein de choses en commun et on a beaucoup plus de choses en commun que de choses qui ne sont pas en commun, que de différences. Voilà. C'est un peu ça que j'ai envie de raconter, que peut-être il faudrait qu'on se concentre sur ce qu'on a en commun. Voilà. Très bonne idée. Alors, le principe, on parle de chanter, oui, mais c'est avec une playlist qui sera composée de 7 chansons et où chacun devra, effectivement, chacun des participants et des participantes devront apprendre par cœur ces chansons. Oui, l'idée du par cœur, c'est l'idée, c'est le terreau commun en fait. On crée avec ces chansons, si tout le monde les sait, le premier commun, le premier truc qu'on peut avoir en commun. Mais ce qu'on sait vraiment qu'il y a de commun, c'est ce petit fantasme dont je parlais tout à l'heure. Ces 7 chansons, elles sont souvent les mêmes. Je dis souvent parce qu'elles changent, mais une fois tous les 2-3 ans, hein, c'est quand même assez rare. Elles correspondent à une sorte de dramaturgie. C'est-à-dire que les 7 chansons, ça dure à peu près 35 minutes. On part d'un endroit et on arrive à un autre. Voilà, il y a une espèce de parcours comme ça dans lequel les héros et héroïnes nous emmènent et qui est assez progressif, en fait. Voilà. Les anonymes, ceux et celles qui vont participer, vont devenir le cours d'une journée de véritables héros et héroïnes, comme vous venez d'indiquer. Oui. Les chansons, je crois avoir vu, elles sont toutes en anglais ? Elles sont toutes en anglais. Alors, elles sont toutes en anglais parce qu'on fait un travail sur la convocation des émotions, par exemple. Enfin, je dis par exemple, mais c'est assez central dans le travail qu'on fait. Et pour justement convoquer aussi et les émotions et le plaisir. Et on fait ce travail-là par le corps, par le mouvement, par exemple. Et donc, on s'intéresse à des langues qui ne sont pas nos langues a priori, hein, parce que c'est pas le cas forcément pour tout le monde, mais a priori maternelles, les langues a priori maternelles. Donc on évite le français parce qu'on joue en France. On a essayé d'autres langues que l'anglais. Bon, c'était compliqué en termes d'apprentissage. Mais voilà, je sais qu'il est probable qu'on le fasse à Londres dans quelques mois. Bon, bah, peut-être que j'intégrerai des chansons en français. Alors, une série de répétitions qui vont se dérouler du 12 au 16 octobre avec la journée performance qui, elle, est programmée pour le samedi 19 octobre de 16h à 18h, Place des Arts à Cergy Grand Centre. Donc, ça va être effectivement un moment de partage et, pour le coup, une occasion supplémentaire où les habitants seront au cœur de la création. C'est ça l'état d'esprit aussi de ce type de performance. Oui, absolument. Absolument, ouais, on a envie que mais comme plein d'événements culturels dans l'espace public, hein, on a envie que les gens descendent de leurs immeubles, sortent des maisons et puis viennent dans la rue et puis chanter, danser un moment tout à fait joyeux, quoi. Voilà. Merci Arnaud Pirot pour nous avoir présenté We Can Be Heroes, ce projet participatif et collectif qui aura lieu donc d'ici peu de temps sur la ville de Cergy, sur l'agglomération de Cergy-Pontoise, à l'invitation de Point Commun, la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise. Merci à vous. Merci beaucoup.